cauchemar? Tu es là, dans l'ombre. L'obscurité. Tes souvenirs sont épars et qu'est-ce qui pourrait assembler les souvenirs? Un désir peut-être? Oui. Une volonté? À vouloir appuyer sur un souvenir qui s'échappe? Un souvenir que l'on égrène. Tes souvenirs d'au-dehors sont aussi des souvenirs d'autrefois. D'un temps jadis où dans la vallée, l'eau s'écoulait. L'eau jaillissait, l'eau bienfaitrice répandait la vie dans la vallée. C'est un temps immémorial, un temps qui t'échappe. Tu ne sais pas si tu l'y as vécu ou si ce sont des souvenirs de ton enfance, des phrases ressassées par tes parents, des figures qui se dérobent et se rejoignent des souvenirs qui se confondent dans la pénombre et dans l'obscurité du présent. Un présent presque immobile. Un présent que tu détailles dans les qualités de la pénombre. Tu y aperçois, tu y discernes, tu y devines des formes, des objets, ou peut-être ce ne sont que des spéculations de ton esprit égaré dans le temps. temps de tes souvenirs, c'était le temps d'avant que souffrance ne vomisse ses pollens sur toutes les terres franques. Bien en France. Toutes les terres franques ont été noyées sous la souillure issue du cratère lointain, cratère noir, mais dont l'emprise s'est portée jusqu'à ces terres et a souillé et les terres et les eaux, et les êtres et les choses. Bientôt la forêt a tout enseveli. Y compris les souvenirs des hommes qui se targuaient autrefois de dominer cette forêt. D'y tailler des champs. Dominer cette nature qui désormais leur échappe. Cette nature qui peu à peu les ensevelit, qui oblitère leurs souvenirs les plus chers et y mêle d'autres troubles. Les hommes subsistent tout contre cette forêt qui envahit tout. Les marais qui ont souillé les terres, des marais recouverts de cette gangue verte d'où émergent les prodiges des êtres étranges, des hors-là. De la cité du temps jadis ne subsiste que des miettes que les hommes ont tenté de préserver de l'appétit vorace de la forêt. Même les pierres en sont rongées et partout des essaims voltent et répandent la semence de souffrance du cratère noir qui vomit jour après jour, année après année. Tu es là. Et tu préserves. Tu préserves ce que les hommes ont de précieux. Ce que les hommes ont créé réellement et qui ne s'est pas dérobé, ce qui est issu de leur esprit, de leurs esprits, pas le fruit de leurs craintes et de leurs peurs qui gangrènent la forêt et les marais, et ce qui reste de la cité sur le pont. Le pont y est toujours, mais d'immenses essaims l'ont noyé sous leur masse. On en devine à peine les piliers désormais. Et toi, tu es là. Tu préserves. Tu préserves ce que les hommes ont su créer. Dans ta nef échouée, dans ce marais putride, tu es le dernier capitaine qui protège l'œuvre des hommes. Tu couves ce bienfait du temps jadis et par ta présence et par tes soins, la toile n'a presque pas été altérée malgré les ondes, malgré la pourriture, l'humidité qui imprègne et ronge jusqu'au mur de ce que fut autrefois la cité du pont. La vague. Tu préserves la toile inviolée de l'esprit indompté des hommes qui autrefois ont dominé la cité. Conservez-vous. Tes membres sont présents, mais ils sont gourds, ils n'ont plus de vie. Ce n'est pas eux qui ôtent les champignons qui viennent coloniser les murs. Tu n'as plus faim que d'une chose, protéger la vague. Préserver la vague. Comment fais-tu pour la préserver, toi qui demeures immobile en cette nef de pierre échouée au cœur des marais de la cité sur le pont? Régulièrement, mais tu ne peux pas marquer le temps. Le temps t'échappe, ou il vient juste déposer ses sanies sur la toile. Le temps t'échappe donc, mais régulièrement, dans un motif immuable, le peuple de la cité sur le pont vient déposer tes offrandes à tes pieds pour que tu préserves le sanctuaire où demeurent les créations des temps oubliés. Pour que tu préserves le peuple de la cité des affres des essaims. Toujours il vient sur deux jambes précautionneux, hésitant, une silhouette pleine de déférence qui passe au-devant de toi, égrène des mots, dépose des mots, dépose ses offrandes, puis repart. C'est l'une des fugitives incursions du temps dans ton espace intemporel. L'autre, jamais tu ne devines quand elle interviendra, mais pourtant un jour, ils se rencontreront. Lui, qui dépose ses offrandes, elle, qui se tient indécise, agite les mains, mais sans que les paroles qu'elle envoie de ses mains, de ses prières, ne viennent jusqu'à toi. Elle, probablement. Voilà le théâtre. Je suis le conservateur et mon dernier tableau, c'est la vague de Kusai. Voilà. Tu ne bouges pas. Donc chaque action que tu envisageras, tu vas me la décrire. C'est toi qui as la parole, tu as l'autorité sur ce qui se trame et... Moi, en contrepoint, j'aurai l'autorité sur la suite du récit. Tout ce que tu souhaites qui advienne, adviendra, sous réserve des amendements que je pourrais émettre liés au décor ou au figurant, elle ou lui. Tu es doté d'une phrase. Au début. Et donc qui se mue en... Je te laisse l'inscrire, préserver la vague. S'inscrire au crayon de papier en non. Non, tu peux l'inscrire au stylo. Je le mets en dessous ou sur le... En dessous. Mais la vague, elle est pas en France. Mais qui t'a dit que t'étais en France? Au Japon. Mais souffrance en France. Justement, je me rends. J'ai dit que j'ai parlé des terres franques. France, soit tu me situes en Asie et en Corse, c'est assez bizarre de parler de terres franques dans ce cadre-là. Et autrement, c'est la France, c'est le nord de la France. Après que le cratère de souffrance est vomi. Donc on n'est pas à Paris, donc on est encore plus au nord. Et c'est quand même assez bizarre que je sois encore en Franca. La Franca, il n'y a pas tellement de villes. C'est la désolation, à part dans le sud, et c'est les Africains qui le... Le sud de la Franca. Ça m'étonnerait que les Africains ils soient passés par le Japon pour aller chercher la vague. Même elle a donné. Elle a pu advenir jusque-là auparavant. C'est une année étrange. Alors, est-ce plus étrange que la vague d'Okuzai, puisque tu l'as indiqué comme telle, soit présente dans cette ville au nord, que tu situes au nord des terres franques, ou est-ce plus étrange que les terres franques soient noyées dans un marais purulent d'insectes? Je pense plutôt pour la deuxième. Donc de ce que tu me diras, émergera une histoire. C'est à toi qu'il revient de poursuivre. Je pourrais t'interrompre, et une fois que je t'aurai interrompu, tu pourras de même m'interrompre. Ce qui déterminera l'aboutissement, c'est le fait de t'attacher à ta quête, et tu vas donner une couleur à ce qui va suivre en utilisant deux symboles issus de notre univers que nous avons déjà parcouru. Mais là, c'est juste moi qui connais pas assez l'œuvre, mais normalement elle est pas aussi noirâtre par endroit. L'épreuve du temps. Là, la qualité de la photo peut-être aussi. Est-ce que j'ai le droit de poser les questions comme dans un jeu de rôle classique ou pas? T'as le droit de faire ce que tu veux, c'est toi qui as la parole. Donc non, ça mon perso il peut pas le savoir. Tu dois témoigner de tout ce qui traverse ton personnage. Toi, en tant que joueuse, tu vas indiquer à l'autre joueuse, puisqu'il n'y en a qu'une, donc moi la confidente. Ce qui traverse l'esprit, quels sont les sentiments du personnage et ce qu'il entreprend pour préserver la vague qui est son plus cher désir. Cela dit, il t'appartient également, puisque tu es en charge de ce personnage, en tant que joueuse, de renoncer parce que ça te conviendrait à la quête du personnage, pour peu que ça ait une vraisemblance, une charge, un intérêt au regard de l'histoire. C'est tout de même assez amusant que le tableau, que la dernière œuvre que je dois garder représente le mouvement, alors que moi-même je suis statique. Certes, le mouvement est représenté figé, mais serait-ce une sorte de message ? Autour de toi, le monde se meurt encore. Elle vient, se tient devant toi, surgit de l'ombre, s'agite, tend la main, disparaît à nouveau. Sur lequel tu vois les effets du temps graduellement imprimés à son corps, leur pesanteur, un corps qui souffre, un corps qui se plie et ploie davantage à chaque visite. Probablement qu'il se croise avec cette ombre, mais tu n'as jamais distingué autre chose qu'une ombre dans la pénombre ménagée au-dedans de ta nef. Une nef de pierre échouée sur des marais putrides. On est probablement... Et déjà, nef, ça revient à leur dire cathédrale ou église, plus cathédrale, j'imagine. Donc c'est soit, alors dans le nord, il y a quoi? Il y a la cathédrale d'Amiens. Ce que je doute. Dans tes souvenirs, autrefois, la nef a dû être grandiose et dominer toute la ville sur le pont. Pourquoi la ville sur le pont? Et lui, il y a qui trouve son nom? Oise? Ah non, la seule, pardon. Ah oui, il y a pas du quartier sans nom, d'accord. Ah, c'est le canon. Vu ce que je connais Damien. On a visité la plupart du temps le centre-ville, il n'y avait pas tant la Somme. On a vu des canaux aménagés de la Somme, effectivement, donc il y a de l'eau. Comment s'appelait cette ville autrefois? Je te pose la question parce que manifestement tu as besoin de cet ancrage pour poursuivre. Amiens. Je vois pas, je connais pas d'autres noms. Bah, Amiens, ça fait déjà au Moyen-Âge. Bon, pas du qu'est-ce coup. Qu'il y a près d'Amiens que nous avons visité La cathédrale. Ouais. Qu'est-ce qu'on a visité près d'Amiens? Saint-Marin. Mmh. Oui, mais là, ce serait... Saint-Marin-aux-Brives, c'était le nom... Le premier nom de la ville d'Amiens, et ça voulait dire la ville sur le pont. Samara étant le nom de l'entité tutélaire de la rivière. Samara, c'est ça. Samara, c'est le nom de cette entité. Briva, c'est le pont. Ça a laissé des noms de villes en France comme Brive-la-Gaillarde. Donc un pont majestueux qui enjambe une rivière, c'est ce que ça indique comme toponyme. Donc là, le nom d'Amiens en Keltoï, c'est Samaro-Brive. Et ça veut dire la ville sur le pont. Et Samara était l'entité tutélaire de la tribu des Ambiani et elle protégeait, c'était la mère des eaux. Sur ce dallage noir et blanc, sûrement empris par la crasse ou d'autres saletés, c'était c'était comme si tout s'était figé en un état de délabrement total. Mais en quelque sorte, protéger la vague, c'était éviter qu'elle ne soit prise par le temps, éviter qu'elle ne sombre dans les méandres et à tout prix la protéger. Or, si je ne faisais rien, là, si je restais statique comme mon environnement, le temps agirait, n'étant qu'un moi, n'étant plus qu'un garde-fou endormi. Que, mon ami, que te faudrait-il pour t'éveiller? Un mouvement, comme la vague le suggère. Le mouvement est advenu et la silhouette s'est approchée, elle s'agite devant toi. Les mains en avant, tremblotantes, hésitantes, ou est-ce le flux du temps qui est trop rapide? Et bientôt, c'est à nouveau l'ombre qui se dessine, et l'apparition disparaît. Que vaudra-t-il pour préserver ta cadre de cathédrale engloutie. Tu as le sentiment que, en s'agitant, elle te transmettait un message. Bien que les oreilles que tu ne dois pas manquer d'avoir n'aient pas perçu les sons qui émanaient de l'apparition, tu es certain qu'elle a délivré un message. Mais le balai immobile reprend son cours, immuable. Et là, dans l'ombre, dans les ombres autour de toi, se dressent des titans de pierre. Une pierre à la provenance éparse, on le voit. Certains viennent de plus au sud, environ une heure si les transports étaient très rapides. D'autres, lointaines encore, d'autres, dans le bassin de la ville sur le pont. Ces titans qui portent sur eux les fondations de la cathédrale engloutie sont, en quelque sorte, mes compagnons. Eux aussi ne bougent pas. Jamais. Ils sont statiques. Peut-être ensevelis par la masse de pierre. revient pour son offrande. Préservez d'eau des essaims. Ô puissant auprès des dieux, préservez-nous. Donnez-nous l'eau claire et scintillante, donnez-nous lumière et nous vous comblerons des bienfaits que nous aurons su tirer de la terre. L'ombre, elle à nouveau, veut comme si tout reprenait son cours, comme si chaque action n'avait aucun impact, comme si tout se ressassait, comme la bobine d'un film que l'on rembobine. La même ombre encore, et comme j'avais eu l'impression qu'elle me délivrait un message, c'est maintenant que mes membres sont moins gourds, empris d'une volonté d'entendre, de comprendre ce qu'elle a à me dire. Libère la vague. Et ce balai pèse sur ton corps, pèse sur ce qui reste de toi. Ô Gabar, comble-nous de tes bienfaits. Ô Gabar, apporte-nous la pluie. Ô Gabar, chasse la rouille et les essaims. Ô Gabar, libère les eaux. Libérez les eaux. Les eaux sur la toile sont un chancre qui la ronge. En quelque sorte, on pourrait parler d'otage. La vague qu'on a pris à l'instant présent, restant ainsi bloquée sur la toile, est-ce que son destin serait de revenir auprès de l'eau qui l'a formée ? D'où vient cette eau? L'eau n'est pas la même partout. Il me faudrait retrouver l'eau originelle. Décombre de tes souvenirs, il y a les canaux qui ornent la ville sur le pont. Des canaux à sec au pied desquels la forêt ronge, rogne la pierre. Ne faudrait-il pas qu'elle se dissolve pour que la ville soit tout à fait engloutie? Comme celle de Forêt Noyée. Peut-être. Mes yeux me portaient vers cette image, ces orgues, un peu comme s'ils voulaient que j'en joue, que je joue pour que le temps ne s'arrête, pour que la vague reprenne son cours. Les saints qui étaient sur toi, et la ville peut enfin être engloutie. Voilà. Alors on a joué. Oui, j'ai compris, bien, et l'image, la première, après les autres visages, j'ai pas tout, je les ai pas tous reconnus. Le premier visage, c'était l'or avec la vague, j'imagine que t'as utilisé l'effet vintage sur, enfin, l'effet de retouche photo, et t'as mis l'effet vintage pour faire ça, non? J'ai travaillé sur les photos, ouais. Alors... On a joué à une appropriation d'Influenza Minima, une partie courte. Non, c'est. Je voulais juste voir combien de temps ça allait durer. Tout en dégoûtant. Ah oui, 45 minutes, c'est rapide. Voilà, une partie très courte. où. J'hésitais à jouer l'empreinte, proposition de l'empreinte, où on est confronté à une menace et là je voulais quelque chose de plus contemplatif, plus méditatif. Alors je sais pas si je suis parvenu à mes fins, c'est toi qui vas pouvoir me le dire. C'est ma première question. Est-ce que le résultat l'était? Oui, je l'ai trouvé. Vous pouvez plus contemplatif par exemple que dans les parties dans les parties qu'on fait par exemple dans Dormeur. Bon, après c'est peut-être un peu voulu parce que dans Dormeur il y a une action, c'est toujours une course, une sorte d'épopée, alors que là c'était, il n'y a eu qu'un seul mouvement en soi. Oui, mouvement où tu as choisi le mouvement, donc il y avait pas d'action, pas de prix à payer au sens où on peut les entendre dans Arbre. Néanmoins, ça peut être les prémices ou un à côté d'autre chose. D'ailleurs, tu auras noté la façon dont lui t'interpellait. Lui, j'ai pas compris qui c'était. Lui te disait « Oh, Gabar !» Oui, Gabar, j'ai compris, c'était plus Gabriel, j'imagine. Gabar, et si tu fais écho à la partie que nous avons jouée avant dans Arbre. Je me souviens de l'avoir entendu, Gabar. La jeune fille t'avait indiqué, t'avait demandé à Sextadex s'il était un guérisseur de oui, cathédrale. Gabar le guérisseur. Était-il Gabar le guérisseur de cathédrale? Donc moi j'avais pris glisseur 2, la ville, le cathédrale et non. Voilà, toi tu. Funke, tu l'as pris au pied de la lettre et tu as perçu la question comme une question infantile de la jeune fille. Sextadex, lui, lui a répondu sur le fond, pas de façon satisfaisante. Et là, c'est un écho à cette légende qui court dans les Balkans. Alors, à quoi rime cette légende ? Cette courte partie, c'était lui donner du corps, lui donner une atmosphère, une couleur. Mais enfin, j'ai vu que c'était des visages, mais après, j'ai pas reconnu quel visage c'était, celui qui disait Ouga Bama. Lui, elle. Elle, c'est Lord Alon. Ça, peu importe. Il y a que deux intervenants en dehors de Gabar que tu étais. Mm. Et Gabar était. On aurait dit une statue. Gabar était noyé sous les insectes. Mm. Dans son immobilité, les insectes avaient complètement ensevelé la ville. Là, c'est toutes les photos d'origine. Donc, il n'y aura absolument rien à voir avec, avec le résultat. Donc, c'est toutes les photos que j'ai utilisées. Et hop. Donc là, c'est celle que tu as floutée. Et ça? Ah, c'est un homme constitué de... Enfin, recouvert intégralement par un essaim d'insectes. Comment ? C'est pas du montage, ça ? Non. Comment ils ont fait ça ? Donc, c'est le final de notre brève histoire, c'était de révéler que Gabar avait choisi le mouvement, ce faisant, il avait noyé son essaim et libéré la ville engloutie sous les eaux, mais libérée de la férule de l'essaim. Et ôter la menace de l'amorce. Mais il avait pour cela dû renoncer à son sacerdoce qui était de préserver la beauté du temps jadis constituée par le tableau ô combien célèbre de la vague d'Okuzai. Donc ça c'est mon commentaire. Je dirais pas plus parce qu'il y a des éléments qui sont volontairement laissés flous ou indistincts parce que j'entendais cette brève partie comme un à côté mais qui devait donner une couleur à la partie principale. Donc tu l'as eu. Après à toi d'en tirer ou non des bénéfices. Est-ce que ce mode de jeu et ce type de jeu t'a convenu ? Oui, c'était assez sûr, c'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais c'était super. Moi, j'ai trouvé ça super à la fois rigolo et intéressant. Donc, là, c'est dans nos parties habituelles, c'est plus toi qui essaye d'avoir de l'éloquence. Enfin, d'user d'éloquence, alors que là, ça force les deux à faire un échange avec des phrases forcément beaucoup plus travaillées. Alors la proposition d'Influenza Minima se prive, ou du moins n'enjoint pas à un langage particulier. Oui, mais c'est moi c'est ce qui... ce qui t'est venu. Voilà, ça m'a... Et moi, c'est ce que je recherchais dans Mori. Ça fonctionne un peu sur la façon dont on l'a joué, c'est un peu sous le même... Oui, donc c'était pas forcément totalement réussi, Mori. Enfin, après, ça n'empêche pas que c'est un peu... Enfin, je suppose que ça t'a intéressé, sinon t'aurais pas continué à jouer avec nous, ça m'étonnerait. Surtout qu'on n'avait rien changé, sur chaque partie c'était les mêmes règles, c'est juste le scénario qui changeait, mais... Si ça t'avait... ton truc de base était de devenir un truc comme ça. Mori, c'était ça, finalement, ça n'a pas donné un truc de la sorte. C'est autre chose. C'est autre chose. Finalement, cette autre chose que tu as créée, c'est tout de même intéressant et c'est... Si ça a plu aux deux parties, même si c'est un peu plus, un moins plu à Mathieu, je crois. Mm. Donc ça, je pense que ça va pas lui plaire non plus, le fait... Déjà, il y a juste un post-it en soi, il n'y a pas tellement de... Ça pouvait être une feuille, peu importe. C'est, tu l'avais fait, on a prévu un autre à côté, sous Influenza Minima. Oui, mais qui va être plus dynamique et plus classique selon les canons même d'Influenza Minima, parce que là j'ai vraiment épuré, parce que j'avais un objet. Dans Empreinte, tu fixes le lieu, tu l'as fixé par abstraction, parce que j'ai décrit le théâtre, par réaction, parce que j'ai décrit le théâtre. Je suis désolé, je fais des commentaires. Mais non, mais c'est très bien. C'est tout à fait adéquat, c'est idéal. Dans Empreinte, la confidente, l'arbitre, va sélectionner une menace. Donc là, c'est le temps, la menace, ou le temps ou l'amorce, au choix. Ouais, l'amorce. Donc l'amorce avait tout englouti, comment repousser l'amorce. C'était ça la menace. Tu pouvais soit ignorer la menace, tu peux avoir plusieurs attitudes face au danger. Ignorer la menace ou la combattre frontalement, ou en... Il y a plusieurs modalités. Ça, tu le sélectionnes en début. Et on va avoir plusieurs scènes brèves qui vont succéder. Et on va résoudre chaque scène avec des mises de dés qui vont correspondre avec les éléments qui sont apportés du... De chaque joueuse. Donc ça, c'est ce qui était dans Empreinte. J'ai utilisé une partie d'Empreinte pour amender Influenza Minima et servir mon propos. Donc c'est à mi-chemin. Et donc ce que l'on devrait faire avec Aleko, et ça a aussi un lien direct avec Arbre, puisque vous avez entendu parler d'Aleko. Donc, on est même rentré dans sa maison et on a volé 2-3 trucs après avoir enfreint sa propriété. Ouais. Donc, la partie suivante d'Influenza Minima sera plus dans les canons d'Influenza Minima. Tu as déjà sélectionné tes deux symboles, tu as défini ta quête par rapport à Aleko. Et une feuille de personnage, entre guillemets, d'Influenza Minima, elle tient en une quête et deux symboles, c'est tout. En vrai, elle peut gagner des trucs à terme. Non, c'est soit un renoncement, ce que je te rappelais à un moment donné, en te disant, tu peux éventuellement renoncer en tant que joueuse à ta quête, et voilà, t'en fixer une autre, ou dire que le personnage, au terme de son renoncement... Et c'est toute la beauté de la chose, c'est il a renoncé et est devenu cela, et voilà. Et surtout, le truc, c'est que je voulais pas forcément renoncer, c'était... Finalement, ça m'a surpris, le truc, c'est que... Il y a des choses, on peut se douter que si je bougeais, mais... Le fait de bouger, ça pouvait, par exemple, je bougeais pour aller nettoyer la crasse. Et ben non, ça, justement, ça... je parie qu'Okuzai il a pas survécu, mais que le reste a survécu. Voilà, c'était ça l'enjeu. Donc il fallait que tu renonces à ta... C'était un renoncement qui grandissait le personnage et qui en fait une légende jusque dans les Balkans. Donc voilà. On s'arrête là. Oui.